Mosaïque. Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette émission Mosaïque sur Isanganiro. Aujourd'hui, c'est pour parler inflation, précisément comprendre l'inflation au Burundi. En effet, les prix des produits, en l'occurrence vivriers, montent à un niveau inquiétant dans le pays. Fin mars de l'année en cours, la situation était telle que le prix du riz dit tanzanien était à 6 500 francs burundais le kilo, 3 800 francs le kilo pour le riz simple, 1 kg de haricots à 4 000 francs, 3 600 francs pour la farine de manioc, 7 000 francs pour 1 litre et demi de l'huile de palme, 11 500 francs pour 1 litre et demi de l'huile de coton. La liste est longue, mais pour tout, des prix qui inquiètent le consommateur contribuable burundais. Répétons-le un peu, là c'est une situation de fin mars 2023. Mais en passant, il y a une ordonnance du ministère ayant chargé les finances et le budget sorti le 30 mars dernier qui montre les importations qui bénéficient de la taxe ad valorem, à savoir notamment le riz, le haricot sec, les graines de maïs, le sucre, etc. L'inflation au Burundi approche déjà les 30% selon même les chiffres de la Banque centrale. Quelles en sont alors les causes, les conséquences et les perspectives pour l'avenir dans l'intérêt des citoyens? Trois invités, économistes, sont avec nous pour tenter de décortiquer le sujet. Faustin Dikoumana, vous êtes le directeur national de PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Francis Lohero, acteur politique, vous avez été candidat à la présidentielle de 2020. Bonjour et bienvenue. Bonjour et je salue les téléspectateurs de radio et télévision Isanganiro. Merci. Et puis nous sommes avec vous, professeur Jean-Prosper Niyoboke, expert économiste, enseignant d'université. Bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs et merci pour l'invitation. La mise en onde est assurée par le duo Eric Ouimana et Innocent Bibonimana, réalisation d'Alain Désiré Boukeneza et à la présentation Léon Sebitadiho. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vais adresser la première question à vous. Faustin Dikoumana de PARSEM. Quelle explication ou lecture donneriez-vous à cette flambée des prix au Burundi en ces jours? Flambée des prix, l'inflation, c'est une hausse généralisée des prix persistante. Et on constate que l'inflation actuelle approche les 30%. C'est très important. Déjà, quand l'inflation franchit les deux chiffres, à partir de 10%, déjà c'est alarmant. Mais nous 10% sommes, c'est alarmant. Oui, oui. Et on approche les 30%. Les 30%. Encore plus, analyser la structure de cette inflation, on voit une importance, une grande part de l'inflation causée par les produits alimentaires. C'est à plus de 50%. On voit même parmi ces produits... L'inflation est causée par les produits alimentaires plus, à plus de 50%. Et même dans ces produits alimentaires, il est regrettable de constater que, par exemple, le haricot, qui constitue un aliment de base, ni l'ignore au Burundi, l'inflation touche même plus de 100%. C'est inimaginable. Donc, les produits les plus consommés, qui constituent la base alimentaire. Donc, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. Mais si on tente d'expliquer les causes... Bon, dans, les causes, justement, ce sont lesquelles? Dans la globalité. D'abord, parlons des facteurs exogènes. Vous savez, il y a des fois perturbations au niveau des prix mondiaux. Au niveau mondial. Et vous savez, il y a des guerres, comme les guerres en Ukraine, qui des fois perturbent l'approvisionnement des pays en produits de première nécessité, le coût, la rareté. Donc cette flambée toujours se répercute sur les pays importateurs. Deuxièmement, il y a une inflation tolérable qui est liée à la croissance régulière de la population, la demande pour entretenir des fois un certain niveau de rémunération des facteurs, en produit une inflation de 2%, 1%, 1% pour entretenir l'équilibre macroéconomique. Ça, c'est un phénomène. Mais quand ça commence à aller au-delà des 10, c'est très inquiétant. Ici, alors, on constate au Burundi une chute, une faiblesse de la production agricole. Donc là, vous allez donc parler des causes endogènes. Endogènes, oui, oui. Des causes de la chute de la production agricole qui est évidente. Et le rendement agricole au Burundi est faible. Il faut l'accepter. Il faut tenter d'accepter les choses telles qu'elles sont. Le rendement agricole au Burundi est faible. Il est d'ailleurs inférieur à la moyenne africaine. Dans ce cas, c'est un problème qui est là. Même les experts disent que les sols burundais ont, dans une certaine mesure, un taux d'acidité élevé, 40% taux d'acidité, qui exige vraiment un travail de fertilisant beaucoup plus important. Donc la faible production agricole maintenant a eu une part très importante. Outre cela, il y a la crise de devises qui est devenue endémique, donc une crise de devises qui est là, qui nous fait remarquer le différentiel de change très important entre le marché officiel de la Banque centrale et le marché des bureaux de change, du simple au double. Mais maintenant, c'est légalisé, c'est accepté. Imaginez quelqu'un, par exemple, quand j'ai vu le communiqué là parlant de l'achat des billets d'avion. Quand on a dit que les gens pourront commencer à acheter les billets d'avion en devise. En devise, quoi. Si quelqu'un achète le billet d'avion avec les devises du marché de la BRB, si c'est un ticket de 1000 dollars, il va débourser 2 millions de francs. Tandis que celui qui fera recours au marché des bureaux de change, il va l'acheter à 4 millions. Donc, du simple au double. Là, alors, on va analyser la part des importations qui peut être financée, qui peuvent être financées par les devises de la Banque centrale. C'est beaucoup finalement. Maintenant, c'est à moins de 20%. Ça veut dire que plus de 80% des importations font recours au marché en dehors de la Banque centrale. Vous comprenez comment les prix sont peut-être différents, du simple au double. À la Banque centrale, il n'y en a pas donc. Dans la Banque centrale, il n'y en a pas. C'est peu. Donc, moins de 20% des devises de la banque centrale finance les importations au Burundi. C'est. Francis, alors, Francis un tout petit peu, je termine sur les taxes. Au niveau de taxation actuelle, d'abord lié à la structure même des recettes fiscales au Burundi, où le budget est beaucoup plus financé par la taxation indirecte. Beaucoup de taxes ad valorem, les assises, les TVA, les droits de douane, c'est tout un paquet de taxes qui est appliqué. Et si on analyse par exemple la structure du prix carburant, le carburant actuel qui nous donne le prix sur la pompe coûte plus de 3 000, environ 25% sont des taxes. Donc vous voyez, même le financement budgétaire crée un problème, crée un dilemme, mais la situation c'est beaucoup. Est terrible. Je vais revenir. Donc, votre point de vue, votre lecture, Francis Lohero. Merci de me passer la parole. D'abord, on constate que l'inflation est de trois sortes. Il y a l'inflation par les coûts. C'est quand, par exemple, les coûts de production et les facteurs de production ne cessent d'augmenter qu'il y ait une capacité pour la population de s'en procurer. Il y a aussi l'inflation par la demande. C'est quand il y a une forte augmentation de la population et que la demande est excessive par rapport à l'offre qui est disponible. Il y a aussi l'inflation par la monnaie. On le constate parce que quand on s'étale sur une durée d'environ 30 ans au Burundi, par exemple depuis 1993 à 2023, on constate que le gouvernement du Burundi, à toutes époques, durant cette période, a procédé par une augmentation du budget, naturellement, parce que, comme il a dit Faustin, il y avait une nécessité de la monnaie, une nécessité d'accéder à des activités d'État. Et curieusement, si on regarde sur cette période, en 1993, le budget d'État a été estimé à 290 milliards. 30 ans plus tard, il est estimé à 1800 milliards. C'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation du budget 6 fois plus. En 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a une volonté manifeste de l'État de majorer directement le budget pour essayer de combler, de satisfaire ses activités. Mais en réalité, où est-ce qu'ils ont augmenté ce budget? On remarque que ce sont d'abord les salaires des autorités qui ont augmenté. Dans la plupart des cas, on voit que ces salaires ont été multipliés par 20, dans la plupart des cas, ou par 10. On constate que le fonctionnement de l'État a été multiplié par, des fois par 40. Il y a des chiffres qui le montrent. Quand on regarde le déplacement des autorités, les missions qu'ils font, ou le carburant et tout ce qu'ils font comme consommable dans ce cas. Et on regarde aussi ce qui a augmenté, ce sont les achats de l'État. Qui, par la plupart mais ces des missions, cas, ces déplacements ce sont toujours nécessaires, n'est-ce pas? Nécessaires quand vous avez besoin de développer votre pays. Je ne crois pas que ce soit des priorités nécessairement. Donc, il y a aussi les achats de l'État qui ont un effet de surfacturation dans la plupart des cas. Parce que aussi, on a dit qu'il y a les coûts, il y a les prix qui ont monté. Mais on remarque que, par exemple, que l'investissement dans les secteurs producteurs n'a pas du tout évolué. Au contraire, elle a diminué. C'est par exemple à regarder que l'agriculture était financée. La part de l'agriculture en 1993 était de 22% dans le budget de 290 milliards. Il est aujourd'hui à 8%. Oui, il y a une croissance en matière de masse. Mais quand vous regardez, de 22% à 8%, à 8% investissement dans l'agriculture. Oui, à 8% aujourd'hui. C'est-à-dire que la volonté d'investir dans ce qui produit a diminué. D'où tirez-vous cette situation, Francis Lohiro? Ce sont des chiffres qu'on a donnés dernièrement à l'Istebou. Disponible aujourd'hui dans le budget 2022-2023, on a que l'agriculture aujourd'hui est estimée à environ, le ministère a eu environ seulement dans les 190 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est estimé à 8%. Le 8%, c'est-à-dire les chiffres donnés par l'Istebou. Oui, oui, oui. Et on remarque aussi que la population burundaise a accru dans cette même période. Elle est passée de 6 millions d'habitants à 13 millions d'habitants. Toute une population qui a besoin de consommer. Plus d'un double. Bientôt plus du double, donc. Alors, quand on constate qu'il y a une forte demande de la population qui a besoin de manger, qui a besoin de satisfaire la plupart de tout ce qu'il fait, en réalité, et que le gouvernement, pour satisfaire ses activités, a continuellement augmenté la masse de la monnaie utilisable, c'est-à-dire qu'il y a eu augmentation de la masse monétaire au Burundi et qu'il n'y avait pas de production. Alors tout ceci explique très naturellement qu'il doit y avoir une inflation, qu'on le veuille ou pas. On doit l'admettre ainsi. On doit l'admettre, la situation est telle qu'elle est. Pour que ça change, il y a des solutions, mais avoir la situation qu'on a, quand on quitte d'une situation de budget, on ne fait que l'augmenter sans cesse, sans investir dans la production, en donnant beaucoup d'argent aux autorités qui se font la vie belle pour leurs activités, sans investir, et que la population augmente continuellement, alors on constate que la valeur de la monnaie diminue, c'est tout à fait naturel. Il n'y aurait pas à poser de questions de gauche à droite. Donc la situation s'explique bien dans tout ce qu'on a fait. Dernièrement, on parlait de techniciens dans ces histoires, mais je rappelle que le Burundi contient beaucoup de techniciens qui savent ces choses dans le ministère. Tout le monde le sait, mais qui prend la plupart de ces décisions, c'est l'homme politique. C'est-à-dire que c'est l'homme politique qui dit chaque année, je veux ceci. Par exemple, quand il faut augmenter les salaires des autorités, ceci passe par la décision de l'autorité. Le technicien ne peut pas refuser. Quand il y a, par exemple, à choisir que l'autorité doit se déplacer dans une région et qu'il faut, par exemple, investir dans l'agriculture, depuis 5 ans, il y a eu création de beaucoup de coopératives qui n'ont pas eu de financement. Donc tout, mais par contre, pour tout, ce sont, selon vous, des décisions politiques. Exactement. C'est l'homme politique qui décide qu'est-ce qu'on doit, à quelle action doit-on donner de l'argent et à quelle action doit-on priver l'argent. On constate, il y a quelques années, vous avez vu, il y a eu une ligne qui a été instaurée dans le budget, que les actions du chef de l'État, c'était à un moment donné monté jusqu'à 10 milliards, alors qu'il y avait même des ministères qui n'avait pas ce budget. En principe, le président doit exercer son action à travers des secteurs qui sont faits par les ministères. Il ne doit pas dire que lui, s'il se déplace, il a à dépenser de l'argent, à donner ceci ou cela. Ça ne fait qu'en quelque sorte une propagande continuelle au lieu de donner de l'argent à des secteurs producteurs. Un ministère, une présidence, quelle institution qui devrait avoir plus comme budget? Je ne parle pas de présidence parce qu'il y a une question de souveraineté. Je parle des actions du chef de l'État. Ça fait depuis 2008, il y a eu instauration d'une telle ligne où on dit financement des activités du chef de l'État. C'est-à-dire quand il se déplace, il doit avoir de l'argent, il doit faire ceci. Alors, constatez que c'est un secteur qui ne produit pas du tout, alors qu'il y a des secteurs qui n'ont pas été financés dans le même processus. Professeur Jean-Prosper Miyoboke. Montée des prix, inflation, ça tend vers les 30, selon les chiffres donnés par la BRB, Banque de la République du Burundi. Et il dit que c'est tout à fait naturel. Et vous, votre lecture, c'est comment? Merci d'abord pour cette émission et aussi merci pour les deux intervenants, Fausté et M. Rohero. Oui, l'inflation, je ne dirais pas que ce n'est pas naturel. Que ce soit 30%, c'est inquiétant plutôt. Oui, c'est naturel. Il a dit naturel, faisant allusion à une portée comparative. Et je crois l'inflation, je ne reviens pas sur la définition. Ils ont déjà ratissé large par rapport à ce concept, que ce soit une hausse généralisée et durable des prix. Je fais citer les deux intervenants qui ont commencé par le fait qu'il y a une sorte de police mixte. Donc ça veut dire que quand il faut arbitrer, quand il faut agir, il faut user à des niveaux avec des instruments, que ce soit les instruments monétaires et les instruments budgétaires. Et en un niveau, si je reviens pour m'y répondre à votre question, à ces deux interventions, il y a Fausté qui est revenu sur les facteurs externes, voire les facteurs internes, oui, qui sont facilement endogénéisables. Alors si je reviens aux facteurs externes, oui, il n'y a pas nécessairement autant à ne pas reconnaître que l'inflation, pour le moment, ce n'est pas uniquement au Burundi, je suis comme certains pays européens qui sont émergents, il y en a qui atteignent 20%. Pour vous dire que, avant de parler des éléments internes, je commencerai par cette typologie de sorte d'inflation, comme Rohero l'a déjà souligné, il a parlé des coûts de la demande de la monnaie. Oui. Et généralement, quand on parle de l'inflation, on parle que c'est un phénomène monétaire, ou j'en ai dit ce qu'on veut. Mais il faut voir, lorsqu'on parle du phénomène monétaire, et là, ça, le premier, comment dirais-je, je dirais intervenant, une autorité spéciale et suprême, c'est la banque des banques, devrait arbitrer pour arriver à un peu à nos fiscs maîtriser un peu cette volatilité. Donc, c'est maîtriser un peu la variation des prix, ou arriver un peu à contenir, à maîtriser l'inflation. Mais à certains niveaux, on sait comprendre, on sait voir que des fois, il y a d'autres facteurs qui dépasseraient de loin cette autorité monétaire. Alors, pourquoi je parle de ça? Il faudrait voir, lorsqu'il y a, par exemple, une politique expansionniste, donc où il faut diminuer, par exemple, les taux directeur ou les réserves obligatoires pour pouvoir booster, injecter l'argent au niveau du marché, ça doit être accompagné, il faut d'autres mesures d'accompagnement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, Rohero a parlé des masses qui entrent au niveau du marché sans un bon encadrement, qui sont ventilées, orientées vers certaines personnalités. Mais là, je vous dirais aussi, il ne faut pas oublier, c'est pas loin, il y avait une politique de soutien à certaines initiatives des jeunes à travers les coopératives. C'est l'argent qui est injecté au niveau du marché. Mais du coup, il faudrait voir est-ce que ce tissu a une capacité d'absorption qui permet de fructifier. Vous parlez des 10 millions qu'on oui, accorder oui, à chaque oui, même cet argent qui est donné, si, c'est une masse. Oui, autant aussi, il y a cette portée de l'informalité. Ça nous pousse un peu à se dire est-ce que des activités, certaines activités, même si ça contribue au niveau de notre économie, est-ce que l'autorité monétaire a la possibilité de mettre la main ou de maîtriser la masse en circulation? C'est tout ça, c'est cet arsenal d'éléments. Une fois, par exemple, s'il pouvait y avoir des acteurs qui ne sont pas au niveau du circuit officiel, qui pourrait avoir à manipuler l'argent et qui l'injecte à leur guise, donc autant qu'il le veut, sur le marché, là, ça, nécessairement, ça doit perturber, déséquilibrer, à déranger cette formation continuelle des prix sur le marché, surtout pour les produits sensibles. En l'occurrence, vous avez parlé des produits alimentaires, oui, de première nécessité, si vous voulez. Il y a autant, si je couple à ça, aussi certains comportements spéculateurs de certains acteurs, voire même qu'on pourrait assister à ce qui s'adonnerait un peu facilement à, comment dirais-je, des comportements notamment à officialiser, sinon à intégrer une masse monétaire qui illicitement générait pour l'insérer au niveau du marché. Tout ça, ce sont des comportements qui font qu'il y ait cette manifestation. On voit qu'il y a l'inflation, des fois une dépréciation. Alors, ce sont des facteurs, je parle, qui sont internes, mais qui sont difficilement maîtrisables au niveau de la technicité, sinon au niveau d'instruments, des recours pouvant être peut-être les mécanismes pouvant être mis en place par la Banque centrale. Mais là aussi, je vous signalerai, en passant par d'autres éléments qui justifient ce qu'est l'inflation, il y a aussi l'inflation qui est basée sur les facteurs, je dirais, psychologiques. Les gens anticipent. Et le fait d'anticiper, ça fait faire aussi qu'il y ait l'inflation. Et là, je parle par rapport à ces autres acteurs. Et là aussi, je mettrai l'accent par rapport à ce que Loïro a parlé lorsqu'il parle de l'inflation qui est causée par des coûts qui sont élevés. Et là, je peux parler aussi d'une inflation importée. Importée. Oui. Oui, l'inflation importée, ça veut dire quoi? À la lecture de ce qui est le marché, donc au niveau mondial, vous savez que si les crises répétitives, pour ne revenir que sur ce cas déjà proposé, M. Faustin, lorsqu'il parle de guerre, la crise russo-ukrainienne, ça a un peu déstabilisé. La planète. La planète, et même les marchés d'approvisionnement. Ça veut dire que... lorsqu'il y a ce dérangement, ce déséquilibre, il y a des réformes qui sont optées par certaines hégémonies. Il y a des réformes qui sont optées par certaines économies auprès desquelles on s'approvisionnait. Et ça veut dire que ces réformes font que ces économies changent au niveau de leur structure, au niveau de la manière dont ils conçoivent pour se prévenir contre les risques ou le fait que ces risques peuvent se pérenniser. Alors, ces changements se répercutent sur les prix, sur les marchés au niveau desquels on s'approvisionne. Et voilà, on importe avec déjà les produits qui ont des prix qui sont élevés. Tout ça, ça se conjugue avec la pression démographique, il y en a déjà par ici. Et le niveau faible de production, lui, il a parlé du rendement, au niveau faible de rendement, tout ça, une fois conjugué, ça fait qu'il y ait des phénomènes qui s'autoconnectent. Et finalement, même si on cherchait à connaître les causes de l'inflation à laquelle on assiste, c'est finalement complexe. Vous allez trouver que c'est complexe. Il y a ces coûts, il y a aussi la demande qui excède l'offre. Il y a ce phénomène monétaire où il faut soit arbitré par cette politique expansionniste, par manque de mesures d'accompagnement, ça dérègle un peu le fonctionnement déjà configuré. Tout ça, ça se répercute et ça se conjugue pour assister à ce taux qui soit après sinon à plus de 30%. Inflation donc de trois sortes, par les coûts, par les demandes, par la monnaie. C'est ce que a dit, j'ai bien noté ce que a dit Francis Loïro. Selon vous, il y a cette flambée des prix généralisée, il y a cette perte de valeur de la monnaie burundaise. Est-ce que ça va rester comme ça? Ça va rester une fatalité pour le Burundi? Pourquoi ces prix ne chutent pas? Une fatalité, non. Parce que non, il faut chaque fois qu'on soit optimiste. Et comment? Ils ont parlé, c'est quelque chose que j'ai apprécié de la part de M. Loïro. Il a parlé que la place donnée aux avis d'experts et de techniciens, c'est à ce niveau où je me dis que la fatalité, non. Si on se met à table et ces techniciens qui se mettent à lèvres pour faire une synergie en termes d'obtention, sinon en termes de faire des actions de réflexion donc de façon collégiale pour proposer des solutions qui soient d'abord de portée, donc d'une portée à court terme et pour le long terme aussi. Pourquoi? C'est cette synergie, c'est ce dialogue, c'est cette implication et c'est cette place qu'il faudrait accorder à l'ingénierie. Et on parle de ceux qui sont capables, on parle de ça peut être des experts, des techniciens, des chercheurs, des scientifiques. Tout ça, ça pourrait permettre qu'on arrive à avoir des solutions palliatives, pourquoi pas autant durables. À mon niveau, c'est ça au fait qui manque. Quand il y a des situations pareilles, ça veut dire que ce n'est pas qu'on n'a pas fait recours à certains instruments, mais il faut. À chaque niveau des instruments, il faut des mesures d'accompagnement. On a parlé de police mixte, donc le fait d'arbitrer avec le niveau budgétaire, le niveau monétaire, ça c'est une bonne chose, mais il faudrait voir ce que ça... Au niveau de la politique budgétaire, il y avait une compatibilité avec la politique monétaire. Espérons qu'on va y arriver. Faustin Ndikumana, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des causes qui soient propres pour le Burundi ou celles qui sont partagées avec les pays de la région? Normalement, comme ils l'ont dit, ce qu'on peut appeler l'inflation naturelle, oui, l'inflation naturelle existe, mais il y a des fois, on a des pics qui nécessitent une compréhension beaucoup plus profonde. l'inflation naturelle, elle est là, mais elle doit être contenue dans une moindre mesure, dans les marges du taux de croissance économique, parce qu'on a un taux de croissance naturellement positif dans un pays. Il faut que ce taux de croissance continue à contenir les marges inflationnistes, la croissance, l'inflation, la croissance de la population, la demande, ça, tout ça fait normal, mais il faut que ça soit contenu. Nous sommes dans un pic inquiétant comparable à celui qu'on a assisté pendant l'embargo en 1999. Oui, c'était l'embargo. L'inflation est arrivée à 33%. C'était là la justification. Elle est là. On était asphyxié. L'économie était asphyxiée. Combiné, couplé même à ce gel de financement de la coopération, parce qu'on sommait le gouvernement du Burundi à dialoguer avec ses opposants à Arusha. On avait conditionné la reprise de la coopération avec l'issue du dialogue d'Arusha. Et Nyerere aussi a ajouté sa façon de faire. Il a décrété l'embargo contre le Burundi. Donc à cette époque, l'inflation par les facteurs, carburant, entrée difficile des marchandises. Mais aujourd'hui, on est même dans le pic de plus de 30%, ce qui n'était pas enregistré auparavant. Nous voyons que nous sommes dans une situation économique très, très difficile. Parce que ça sommet, ce différentiel de change de 2000 à 4000, ce n'était pas ordinaire auparavant. Mais aussi, il y a eu une période de la crise économique. Oui, il y a eu des périodes de crise économique, plutôt de crise politique. Nous nous donnons en 3 à 2005. Les études de la Banque mondiale ont montré que, du PNUD, ont montré que la réduction du PIB a été négative de 33% de 1993 à 2005. Le PIB a chuté de 33%. Vous comprenez déjà, la population était toujours la même. La demande alimentaire a toujours été la même. Mais en 2005, on a repris timidement. L'économie n'a pas pu reprendre de 2005 jusqu'aujourd'hui. Le taux de croissance était légèrement 4-5%. Au lieu d'avoir un taux de croissance à deux chiffres, comme l'ont fait d'autres pays au lendemain de la fin des crises politiques. Et c'est cela. On n'a pas pu récupérer bien après une longue période de crise qui a complètement laminé les structures, les pas entiers de notre économie. On voit que même le gouvernement, dans une moindre mesure, quand ils ont parlé de la masse monétaire ou de la monétaire, on voit actuellement un endettement excessif de l'État pour parler au rôle monétaire du Trésor. Donc, nous avons un endettement de plus de 3 000 milliards de frambou. C'est un endettement qui n'est pas orienté dans l'investissement. Il y a les avances de la Banque centrale. Ça amène une nouvelle donne, endettement. Il y a les avances de la Banque centrale, il y a l'endettement bancaire, qui a dans une certaine mesure aussi diminué la capacité de financer l'investissement privé. Le gouvernement assèche l'État, assèche les capitaux bancaires, donc les financements bancaires, les orienta dans le fonctionnement. Et le secteur privé n'a plus de financement pour investir. Ce sont les effets d'éviction. Isanganiro. Le secteur privé est paralysé au niveau des investissements. Le gouvernement s'endette, injecte de la monnaie à tout va, sans voir le rendement, la situation. Il est là, il est comme ça. Mais, finalement, selon vous, oui. Où est-ce qu'on va? C'est un réveil de conscience pour que les autorités d'abord soient conscientes du danger dans lequel le pays se trouve au niveau économique. Le marasme économique dans lequel nous il y a la récente ordonnance du ministère EA en charge les finances et le budget exonérant certains produits. Est-ce que ça peut aider en quelque chose? Bon, j'ai parlé d'une structure et des taxes. Et le budget du Burundi, les recettes fiscales sont à presque 60% financées par la taxation indirecte, ça veut dire les taxes sur les biens et services. Parce que la machine productive ne parvient pas à disponibilité des entreprises qui peuvent payer régulièrement l'impôt sur le revenu. Donc nous avons de très peu, un nombre réduit d'entreprises, l'impôt sur le revenu sur le socle en grande partie les fonctionnaires. Donc la grande partie des taxes, ce sont ces TVA, ce sont ces taxes ad valorem, ce sont ces droits de douane. Je vous ai donné par exemple le carburant aujourd'hui, il est à 3 000 et quelques. Mais les taxes, la totalité des taxes, c'est presque 800 francs dans la structure. Les taxes, c'est plus de 25%. Dans la structure carburant. Dans la structure carburant, il y a 800 francs de taxes. Si on totalise TVA, ad valorem ou je ne sais quoi, c'est 800, vous comprenez? Donc, est-ce que le gouvernement peut-il supprimer ces taxes? Comment est-ce qu'il va financer le budget? Nous avons un problème structurel qui doit trouver aussi solution. Et imaginez même une paysanne qui va vendre son produit alimentaire, donc son régime de banane, il y paie la taxe avant même de vendre, sans espérer de vendre. Donc le poids de la taxation, il est là, mais le gouvernement doit prendre des mesures équilibristes, mais qui sauvegarde aussi sa capacité de continuer à faire face aux charges souveraines de fonctionnement, sécuritaire, justice, gouvernance. Cet équilibre, il faut que les experts s'assoient pour voir quelle politique budgétaire actuelle capable d'éponger cette situation, cette hémorragie d'équilibre macroéconomique et qui permet à ce que l'inflation soit une réalité. Permettez que je me rende chez ces autres intervenants ici. Francis Lohiro, cette ordonnance du ministère ayant en charge les finances et le budget de l'État, est-ce que ça peut aider en quelque chose? En quoi cette ordonnance peut aider pour essayer de stopper cette inflation? Oui. Je reviens de Sisoka dans la mesure où est-ce que la plupart des mesures qu'on donne comme ça, bon, pour moi, c'est presque sporadique, c'est spontané. Est-ce que c'est lié à une politique de rentabiliser réellement l'économie burundaise? Parce que c'est des mesures qu'on a eu à voir dans le temps. Je me rappelle qu'en 87, quand il y a eu un putsch, le nouveau président avait directement enlevé les taxes sur les produits venus des champs de la population. C'était bien accueilli. Quelque temps après, ça a été arrêté. Est-ce que les mesures qu'on prend comme ça, c'est pour satisfaire une politique réelle, continuelle, ou c'est juste pour essayer de calmer le jeu? Quand je parle que cette situation est naturelle pour moi, c'est-à-dire que ce qui se passe dépend des réactions que fait le décideur. C'est-à-dire que moi, je sais que quand tu n'as pas investi, quand tu n'as pas permis à la population de travailler, comme il vient de le dire Faustin, le secteur privé est en train de souffrir. De souffrir. Il n'y a pas d'investissement. Les banques burundaises ne financent pas au Burundi les activités économiques. Vous savez qu'ils donnent juste quelques crédits à des gens qui ont des salaires parce qu'ils vont couper à la source. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ne financent pas les programmes des gens en matière d'investissement économique, mais ils financent juste les gens qui s'approvisionnent, qui veulent peut-être... quand je regarde donc tout ça, pour moi, le résultat est ce qui est fait par l'autorité. Voilà pourquoi je dis c'est tout à fait naturel. On s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'inflation alors qu'on ne donne pas, on ne prenne pas des décisions qu'il faut. Par rapport à cette mesure, il y a un collègue qui s'appelle Ophélie qui aime dire que en Kirundi, c'est-à-dire, je suis satisfait, je peux dire, est-ce que c'est bien, mais ça a quelle valeur par rapport à l'ensemble de l'économie? Parce que pour moi, on a parlé tantôt de la guerre en Ukraine, oui. Il y a un pic aujourd'hui, mais il faudrait pas, je ne voudrais pas m'éterniser sur la situation actuelle, parce que l'inflation a été, on s'est presque habitué à ce que ça doit monter. Depuis 30 ans, les prix ne font que monter. Et je tire une sonnette d'alarme. Où est-ce qu'on met l'argent du contribuable burundais? Dans des secteurs qui ne produisent pas du tout. Et les secteurs qui produisent ne sont pas financés. Donc, moi, je ne suis donc pas surpris. Ceci, à la limite, ne va pas toucher plus de 20% des activités en réalité. Et cela ne peut pas réellement diminuer le pic. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, je m'attends à quoi? Il va y avoir un autre budget. Je suis convaincu qu'il y aura... Un budget supérieur. Oui, permettez-moi d'utiliser encore le mot naturel parce qu'ils vont se donner un train de vie encore supérieur à ce qu'ils peuvent financer. L'endettement va continuer. Ils vont chercher encore de l'argent. Le contribuable va être obligé d'une certaine manière. S'il ne paye pas ici, il va être cloué ailleurs parce qu'il faudra financer naturellement un budget de plus en plus croissant et qui est financé par qui? Par des populations qui n'ont pas de revenus, par une population qui n'a pas des activités, qui donne de l'argent et tout simplement, on est en train de financer un budget. Quand tu parles de un budget croissant, financé par une population qui n'a pas de revenus. Oui, très directement, depuis 20 ans, le budget est parti de 345 milliards à 1800 milliards, je l'avais dit dernièrement. Où est-ce qu'on tire les possibilités de financer ce budget? On met la corde dans la gorge du contribuable pour qu'ils puissent financer ces activités du gouvernement, alors qu'en réalité, ils ne passent pas par l'investissement dans des secteurs qui produisent. Alors pour moi, c'est votre point de vue, professeur Jean Prosper. Mon point de vue par rapport à cette situation, quoique on pourrait avoir des lectures un peu pas convergentes, mais qui soient appréciées de façon un peu différente. Ce n'est pas à dire que je ne cautionne pas, donc j'accepte ce qu'il propose. Seulement, on combine plusieurs facteurs à la fois. Oui, je n'en dis qu'on faisait. Le fait de chercher à financer le budget par l'impôt, mais pas par l'emprunt, ça pourrait, en quelque sorte, autant avoir quelle manifestation, quel effet au niveau de cette inflation, et au niveau de ces 30%, le taux de 30% de l'inflation. Moi, je crois... que dans des situations pareilles, si on en revient aux instruments, donc aux mécanismes techniques, l'autorité monétaire normalement devrait changer pour essayer un peu de contracter la masse monétaire en circulation. Autrement dit, ça procède comment? C'est la question. Est-ce, cette politique va-t-elle être la meilleure? Ça, c'est la question. Parce que lorsqu'il y a une masse monétaire, il y a des solutions à des facteurs structurels ou à des facteurs conjoncturels. Alléger la souffrance. Oui, il a parlé un peu de calmer le jeu ou de soulager un peu la situation avec cette politique budgétaire, avec le fait de toucher sur la taxe ad valorem ou le fait de toucher sur d'autres niveaux de taxes à l'importation. Pourquoi autant n'est pas autant joué aussi au niveau de la TVA? Tout ça. Est-ce que ça qu'il portait au niveau de ce taux, de ce niveau d'inflation actuel? Pourquoi moi j'ai insisté, lorsque je pense à des politiques ou à des instruments, c'est soit ça pouvait être l'instrument monétaire. Dans des situations pareilles, on change la donne, autrement dit. Ça veut dire qu'on essaie un peu de hausser un peu le taux d'intérêt et ça va pousser les acteurs en détention de l'argent à chercher à faire des placements au niveau des banques. Normalement, c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Mais il faudrait voir. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a des gens qui sont en détention, qui n'oseraient faire ce placement parce qu'il y a le fait de chercher un peu la traçabilité, tout comme ça. Et ça veut dire que ça booste, mais ça, c'est l'attrait vers l'épargne, mais ça ralentit à un autre niveau la croissance économique. Parce que le monde va faire l'afflux vers... L'épargne. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés par ces taux? Ils n'épargnent même pas. Ces taux qui vont être appliqués au Burundi pour qu'il y ait des gens qui voudraient venir chercher un peu à faire fructifier les portefeuilles. Et ceux qui, avec un temps X, pourront permettre à revenir sur les politiques pour espérer à procéder par des politiques expansionnistes. Est-ce que la politique expansionniste qui était en vogue, où il faudrait appuyer les initiatives avec des taux préférentiels et donc à certaines initiatives des jeunes, est très flexible par rapport à ces réserves obligatoires. Donc, elle devrait constituer ces banques ordinaires, non commerciales, pour booster le financement de ce secteur productif qui, d'après mes collègues ici présents, disent que le secteur productif n'est pas financé. Plutôt qu'il y a ce défaut de financer l'improductif, il y a l'affectation qui n'est pas du tout rationnelle, où on ne s'intéresse qu'au fonctionnement au lieu de s'intéresser à l'investissement. Il y a tous ces éléments-là. Une fois qu'on les met ensemble, il faudrait voir est-ce que les solutions qui sont sur la table pour le moment sont-elles des solutions durables ou ce sont des solutions palliatives à ces niveaux un peu conjoncturels. Est-ce que le taux d'inflation qui est manifeste donc au Burundi aujourd'hui à 30% est-elle interne? Ce sont des facteurs qui, à la base, qui sont endogénisables ou ce sont des facteurs externes? Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. En passant, je crois que vous avez déjà parlé, si on regarde un peu la configuration de notre économie, la dépendance de notre économie par rapport à l'extérieur, si on regarde les facteurs de production, les intras, combien vient de l'extérieur et comment est la situation de ces marchés d'approvisionnement et comment est-ce qu'il a sauté ici. Donc, c'est cette maille donc, sociale, économique de ces autres pays avec lesquels on fait les transactions. Mais professeur, il y a cette lecture où je me dis que plutôt il y a un phénomène, lorsqu'on parle de l'inflation, c'est annuel, n'est-ce pas vrai? Cette variation, c'est annuel. Mais on pourrait se tromper en faisant une comparaison à une année qui n'est, à mon niveau, ne pourrait avoir à être tenue comme une année de référence. Pourquoi? L'année d'hier et aujourd'hui, je dirais qu'il y a eu plus de perpétuent plus de distorsions qui soient externes. Mais il y a autant de facteurs internes sur lequel mes collègues insistent. Une petite question. Il y a quelques années, le budget général de l'État était financé à 52% par les fonds provenant de l'extérieur, à 48% par les fonds provenant donc, au niveau local. Et aujourd'hui, le budget est financé localement à autour de 80%. Votre lecture serait comment? Oui, là, on change un peu de sujet, mais ce n'est pas grave. Oui, là aussi, ça pourrait être, pourquoi pas, autant une des causes de cette inflation. Oui, la lecture faite, c'est connaître qu'il y a une réalité. Il y a des programmes, il y a des chantiers, des macro-chantiers qui sont là. Il y a des promesses. Alors, lorsqu'on cherche un peu à atteindre le point qu'on s'était fixé, il faut arbitrer entre financements. Normalement, pour financer un budget, il y a moyen d'arbitrer entre l'emprunt et le propre financement. Ici, comme on parle du budget de l'État, c'est l'impôt. Alors, est-ce que l'emprunt, il y a possibilité d'avoir accès sur cet emprunt? C'est s'autofinancer, donc se financer auprès des financiers donc domestiques locaux, des banques. C'est lorsque l'État va chercher à se financer par cet emprunt auprès de ses banques. Autrement dit, ça veut dire que c'est un peu en concurrence avec le secteur privé. Je crois que Roger en a parlé. Est-ce qu'il n'y a pas d'effet d'éviction? Je crois aussi qu'il faut aussi en parler. Et par l'autre niveau de l'emprunt, ce sont ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Soit il y a des aides, là on peut mettre à côté, mais il y a des emprunts qui vont être payés à long terme. À long terme. Ça veut dire qu'en échelon, c'est l'impôt qui va être payé par les générations à venir. Ça veut dire que c'est l'arbitrage. Est-ce qu'il y a ce champ de manœuvre, donc il y a cette possibilité de se passer de l'emprunt pour être au financement de l'impôt. En fait, il n'y a pas assez de marge de manœuvre. C'est à ce niveau où, moi, à mon niveau, je me disais, il faut un dialogue, il faut plus de l'implication des acteurs. Là, je vais y revenir très bientôt. Pour rappel, à travers l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler inflation au Burundi, les causes, les conséquences et les perspectives. Trois invités sont avec nous sur le plateau, à savoir Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation PARSEM, Francis Rohero, acteur politique, ex-candidat à la présidentielle de 2020, ainsi que professeur Jean-Prosper Nioboke, enseignant d'université. Nous tendons vers la fin de l'émission. Émission Faustin Ndikumana de PARSEM. Et parlons perspective. Que devraient faire les pouvoirs publics pour faire face à cette situation de flambée des prix, à cette situation d'inflation? La situation est très délicate. On a déjà effleuré sur les causes, on a égrené pas mal de causes de cette inflation. Mais actuellement, je dois dire qu'il faut des appuis frais, des fonds frais extérieur pour renflouer la situation des devises au Burundi, les caisses en devises. Parce que cette situation persiste, vous allez me parler d'affectation. On affecte les flambeaux, l'investissement sur fonds propres. Eh? Peut-être vraiment suffire pour vraiment inverser la tendance au Burundi. Ce n'est pas possible. Même tout ce qui a été fait dans le passé, l'investissement était en grande partie financé par les bailleurs de fonds. Parce que ce déséquilibre de la balance commerciale, ce déséquilibre de la balance de paiement fait que nous, actuellement, le Burundi a besoin de l'argent cash en devise d'urgence. Ça peut provenir du dialogue direct entre le Burundi et ses partenaires comme le FMI. Même d'autres pays, quand ils sont dans de telles difficultés, ils doivent procéder ainsi. Là, on y peut aller par quatre chemins. C'est la seule voie. Sans cette voie, la situation ne peut pas inverser. Donc il faut de l'argent cash à partir d'un prêt d'urgence ou d'un don d'urgence. Justement, de l'argent cash en devise, oui. Comment l'avoir? C'est auprès de ces institutions comme le FMI, mais d'autres pays le font. Je vous donne l'exemple, un pays comme l'Égypte. Un pays comme l'Égypte qui avait subi une crise liée aux attentats dans le Sinaï, la chute vertigineuse de ses recettes touristiques s'est manifeste. L'Égypte a fait recours au Fonds monétaire international. Il a bénéficié plus de 3 milliards de dollars pour renflouer immédiatement. Même d'autres pays le font. Nous sommes dans une situation délicate. Est-ce qu'on peut exporter du jour au lendemain? Changer la structure de l'exportation du jour au lendemain, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut par exemple construire, retaper ces routes qu'on observe, il y a des actions que le ministre des Transports est tenté d'initier, c'est une idée pour ça, c'est minime. si on veut vraiment financer l'investissement au Burundi. Déjà la BAD en 2010. La BAD en 2010 avait déclaré que le Burundi a besoin d'infrastructures, le coût des infrastructures de plus de 6 milliards de dollars pour avoir un taux de croissance permettant à réduire la tendance au niveau de la lutte contre la pauvreté. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Maintenant, les experts disent que ça pourrait même arriver à plus de 10 milliards de dollars dont le Burundi a besoin aujourd'hui pour les infrastructures qui peuvent soutenir la production. L'électricité, les routes, les aéroports, les fibres psychétiques. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce qu'on va dire que, puisque le BR a plus collecté, que ces investissements pourront venir d'un coup? Donc, c'est le stade d'abord. Mobilisation, bonne gestion, réforme, pour donc, en fin de compte, bénéficier de la confiance, après avoir fait un bon environnement des affaires internes, les réformes. Il y a d'autres fonds qui viennent. Sous forme d'investissement direct étranger. Est-ce que ce que vous dites peut se faire dans l'urgence? Dans l'urgence, les négociations avec les partenaires. Comme le FMI, ça se fait urgemment. Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'Égypte. Mais il faut que cet argent aussi soit bien géré. L'expérience de la Banque mondiale. Il le sait, monsieur Faustin, d'une certaine manière, le Burundi aujourd'hui n'est pas bien coté dans les institutions internationales. C'est-à-dire que l'argent ne pourrait pas être disponible visiblement automatiquement, mais c'est une bonne mesure. Par contre, moi, je propose ce qui peut être fait directement. Il faut qu'on arrête cette augmentation du budget qui est devenue presque comme un devoir, quelque chose qui est normal. Il faut diminuer le train de vie des autorités au Burundi. S'il le faut, ils devraient même diminuer le salaire parce qu'ils ont des salaires qui ne correspondent pas à ce qu'ils font en général. Et je précise aussi qu'on n'a pas beaucoup d'autorités. N'est-ce pas là un jugement? Oui, je le fais, j'en assume les responsabilités. Donc, deuxièmement, je veux qu'il faut que le gouvernement du Burundi diminue ses achats parce qu'ils achètent beaucoup de choses. Dernièrement, on parlait de voitures. Il y avait la politique de charroi zéro. On a vendu toutes les voitures de l'État. À un moment donné, on a acheté de nouvelles voitures plus chères. Aujourd'hui, vous savez le coût de ces voitures. Vous voyez dans les rues, avec nos routes qui sont mauvaises, toutes les autorités pensent qu'il faut des jeeps pour résister à ces routes. Donc, deuxièmement, j'ai envie que le gouvernement du Burundi interdise à la plupart des banques, c'est-à-dire des banques où le gouvernement du Burundi a même des capitaux, de donner des crédits qui ne sont pas orientés directement dans la production, parce que la plupart des fois, on donne des crédits aux gens juste qui font quelques affaires, qui sont en train de courir derrière le petit marché de l'État, juste parce qu'il y a un objectif, il y a des commissions là-dedans. Donc, et troisièmement, peut-être, il y a eu une création des coopératives il y a 5 ans. Je ne sais pas s'ils l'ont fait avec une volonté de développer, de produire, ou s'ils l'ont fait avec juste une ambition de propagande. Aujourd'hui, je voudrais que ces coopératives qui étaient pléthoriques, des milliers, et on n'en a pas besoin des milliers, mais qui aient un répertoire pour savoir il y a combien de coopératives dans nos communes, pour qu'ils soient financées obligatoirement, obliger nos banques, obliger nos sociétés d'investissement de financer ces coopératives qui doivent travailler. Et d'une certaine manière, le gouvernement du Burundi doit ouvrir un peu ses frontières. Il y a les Congolais qui ont besoin d'acheter chez nous, qui la plupart des fois sont peut-être bloqués, on ne sait pas comment ça se passe. Il faut qu'ils viennent parce qu'on refuse d'une certaine manière. On n'a pas assez à vendre, mais d'une certaine manière, il faut accepter un flux parce qu'on a besoin des dollars là-bas chez eux. Je disais dernièrement, quand on demande aux Burundais c'est quoi les produits donc, d'exportation, ce n'est pas seulement le café, même la tomate est exportable. Quand vous l'amenez au Congo et qu'on vous l'achète en dollars, elle n'est pas moins importante que le café. Inverser la tendance. Exactement. Serait-ce donc possible et comment? Et soyez bref. Pour que je pose la même question à vous, professeur Jean Prosper. Le Burundi doit diminuer son budget, doit diminuer son train de vie en matière d'argent et essayer d'investir dans ce qui peut faire travailler la population burundaise. Professeur Jean Prosper. Merci. D'abord, je salue un peu les interventions des autres intervenants. Changer le train de vie, c'est aussi en connaître un peu là où on en est. Où notre pays doit se situer à quel niveau en termes de cotation, si on se compare, si on voulait être compétitif par rapport aux autres économies. Oui, plutôt une une bonne affectation, une affectation rationnelle des fonds, du budget au niveau de l'investissement. Mais il faut être flexible par rapport au fonctionnement. Si le fonctionnement n'est pas, l'investissement ne peut prétendre avoir lieu. Alors, à court terme, pour attaquer, pour essayer un peu d'assouplir, sinon de contenir cette inflation, il y a des solutions, je dirais, qui soient un peu palliatives. Il faut être, d'abord connaître, c'est le diagnostic pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce taux d'inflation qui soit à 30%, et chercher un peu à avoir des solutions. Il y a des solutions à court, au moyen et à long terme. À court terme, alors, il y a des facteurs externes sur lesquels il faut voir comment arbitrer. Ils ont commencé déjà par rapport à l'impôt à l'importation, ils n'ont pas encore touché. Mais ils ont déjà, au niveau des taxes qui sont appliquées au niveau des biens et services, ils en sont au niveau des taxes à l'importation. Est-ce qu'ils vont être au niveau de la TVA pour soulager, pour permettre à ce que les prix, il faudrait voir. Ça, c'est au niveau de ces instruments budgétaires. Est-ce qu'au niveau de la politique monétaire, qu'il faudrait-il faire? Je sais la masse monétaire en circulation. On a déjà parlé que l'inflation, c'est un phénomène monétaire, c'est connu, c'est généralisable, ça va. Que faire? Est-ce qu'il n'y a pas une masse qu'il faut devoir contenir? Comment? Il y a une masse qui est connue par l'autorité, il y a l'autre qui n'est pas connue. Par quel mécanisme arriver à faire qu'il y ait passé de cette masse monétaire ou de l'argent qui soit blanchi? En d'autres termes, je ne voudrais pas un peu développer ça. Il y a aussi des actions de spéculation, à mon niveau, qui ont fait que les prix par rapport à certains produits ou à certains biens ou à certains actifs soient montés. Par exemple, si les terrains, les gens qui achètent des terrains, si on fasse facilement une parcelle, l'art qui valait, je crois, 2,5 millions, on remonte ça vers 30 millions. Oui. Ça, c'est un comportement de spéculation. Et ça veut dire que cette variation, ça va, il y a un entraînement, l'effet d'entraînement, où les formations d'entreprise risquent un peu d'eau, ça rimait. Si c'est ce phénomène-là, c'est qui pourrait un peu, de façon, c'est une inflation, donc, des fois, à un niveau psychologique, mais qui entraînerait d'autres. Donc, variation à la hausse des prix d'autres biens, d'autres services, tout ça, ce sont des actions qui, à mon niveau, ne nécessitent pas un budget, parce qu'il y a des politiques, les mettre en mesure, en pratique, en application, nécessite une mobilisation d'autres budgets. Mais chercher à compter cette masse monétaire, dans l'informel, ou qui est blanchie, il y a des mécanismes à ça. Chercher un peu à bannir, sinon à éradiquer ces comportements de spéculation. J'ai donné l'exemple de ces commissionnaires de tout consort. Là aussi, c'est facile à mettre en jeu. Ça ne demande même pas à des politiques qui sont exigées en termes de coûts. Donc, c'est aussi ces politiques d'accompagnement de la transition vers le formel. Chercher un peu à écarter l'informalité et ça permettrait un peu à contenir tout ça. Ça veut dire que ces acteurs qui sont ces acteurs qui spéculent pourront payer un peu de l'impôt, pourront faire un renflou un peu à permettre à ce qui est au niveau du trésor public des recettes qui vont devoir permettre à financer ces projets, ces programmes, ces chantiers macro. Il y a Faustin Dikoumana de Parsem qui aime dire changement de comportement. De comportement, oui, c'est ça. Il y a aussi des politiques d'encadrement réformiste qui, à mon niveau, c'est ça ce que vous avez parlé de politique budgétaire. Il faudrait voir comment arbitrer, connaissant un peu nos relations avec nos partenaires, en attendant qu'il y ait cette relance de la coopération avec les partenaires au développement. Donc, que ça prenne le trait donc, d'avant. Et ce que faire pour le moment, c'est à ce niveau où il faut réfléchir sur les possibilités des réformes sans pour autant mettre la pression sur la population avec cette pression fiscale. Et en dupliquant, il faudrait des actions qui viseraient un peu l'attrait à ces investissements étrangers, parce que c'est connecté. C'est à mon niveau ce qui devrait être fait. Et ça, c'est le soulagement, donc c'est des actions, le financement qui devrait, cette fois-ci, être orienté vers le secteur productif, donc le secteur privé. Et ce que je voudrais dire, c'est l'amélioration de ces climats d'affaires. Et surtout, c'est ce que je voudrais un peu souligner. On a parlé, il y a une politique expansionniste à mon niveau qui n'a pas vraiment eu de mesures, je dirais, complémentaires nécessaires pour pouvoir accompagner, faire réussir l'encadrement de l'argent qui avait été injecté dans le circuit. Là, je parle de ces initiatives des jeunes, des coopératives, vous avez parlé des coopératives, de ces spéculations, donc de ces structures fêtières, qui, à mon niveau, c'était l'argent qui entrait, mais où on ne savait pas déjà dégager le circuit. Donc le cycle, parce que l'argent qui en 6 et 10, il faudrait que ça en sorte avec 20. une fructification, que ça revienne au niveau de ce circuit financier bancaire. Alors c'est l'encadrement, il faudrait revisiter, voir comment quelle est l'interaction entre ces banques qui sont là pour appuyer le développement. On parle de la BND, on parle de BIJ, la banque pour les jeunes, on parle de la banque des femmes. Il y a tout un tas, donc tout un arsenal de microfinances qui naissent. D'où provient cet argent Il y a donc ce phénomène qui manifestement montre qu'on finance finalement sont productifs. Il y a l'improductif, il y a l'argent qui n'est pas au niveau de la production. Le rôle des experts. Oui, le rôle des experts, ça veut dire quoi? Est-ce qu'au Burundi, on en est où on pourrait espérer tout gagner de cette économie de spéculation? Où faudrait tout miser d'abord sur cette économie réelle de production. C'est à ce niveau, il faudrait voir comment arbitrer et pour espérer à contenir avec les coopératives qui sont financées à 10 millions. Merci, professeur Jean-Prosper Niyoboke. Je rappelle que vous êtes économiste et enseignant d'université. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci à vous, Faustin Ndikoumana, directeur national de l'organisation Parsem, Paroles et Actions pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Merci d'avoir été des nôtres à travers cette émission Mosaïque. Merci de votre contribution. Avant de dire au revoir un tout petit peu, donc je dois dire que tout ce qu'ils ont dit, actuellement, les banques sont frileuses de financer l'investissement privé au Burundi. Le Burundi n'a pas d'infrastructure, l'environnement, des affaires qui permet aux banques de s'y engager. Même cette inflation va en défaveur parce que le crédit à moyen terme se rembourse tardivement alors que le taux d'inflation augmente. Merci. Il risque même d'augmenter le taux d'inflation. Merci à vous, Francis Lohero, économiste également. Merci à vous, Francis Lohero, économiste également. Vous avez été candidat à la présidentielle de 2020. Vous suivez de près, en tout cas, la situation dans divers secteurs de la vie du pays. Merci d'être venu. Merci de votre contribution. Oui, je vous remercie. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Merci également à Alain Désiré Boukeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léon C. Bitadiho. Restez branchés, nos programmes continuent. Mosaïque.